on vous en parle. Ou pas. Marre du rire gras et vulgaire, venez vous esclaffer avec intelligence au Socrate Comedy Club. L'autre jour, je ramène une meuf à la maison et comme elle se débattait, je l'attache un peu, quoi. Mais moi, je suis un romantique. Alors, j'allume un feu dans la cheminée, tu vois. Et là, la meuf, en voyant son ombre projetée contre le mur par le feu, elle me dit « Hé, Platon, tu vas pas me faire le coup de la caverne, quand même ?» Le Socrate Comedy Club, la fine fleur des humoristes diplômés, Bac plus 5 minimum. Et là, mon boss me dit « Kevin, t'es rien dans cette boîte. » Et moi, bam, je lui dis direct « Hé, mec, je pense, donc je suis. » T'es quoi? Bah je suis. Ouais mais t'es quoi au juste? Bah juste je suis. Oh le mec il a dû avoir 4 au bac en philo, il se prend pour le boss. Eh. Le Socrate Comedy Club, enfin des humoristes engagés qui ont vraiment quelque chose à dire. Là mon pote me sort, Dieu est mort. Et comment il est mort? Eh bah c'est Nietzsche qui l'a tué qui me dit. Mais il est fou le mec. Daesh est déjà super vénère et là le mec il bute Dieu. Bah remarque, nous on est tranquille hein, comme ça ils iront faire leurs attentats en Allemagne. C'est nul. Venez rire intelligemment au Socrate Comedy Club.